certa, vamos ter notícias. Eu regresso logo depois para a segunda parte do Melhor de Portugal. Hoje é quarta-feira, é dia de recebermos David Ferreira a contar hoje sucesso. Era o povo pequenino, pés descalços na geada. Era o povo pequenino na cartilha da pancada. Era o povo pequenino, já puxava pela enxada. Era o povo pequenino a chorar na tabuada. Morder os dentes, lamber os beiços, molhar pão velho na caldeirada. Na lama do destino, ai povo pequenino, pés na lama do destino. Não te pesa o coração com o chumbo da lição. Não te pesa, ai povo pequenino, tão humilde e cabotino. Ai povo pequenino, tão humilde, tão carninho. Longe da vista, perto do coração. Eu vim do norte direto a Lisboa, atrás de um sonho que eu nem sei se for. Tanto quanto nós voávamos. A francesinha já não tem picante. Isso faz-me lembrar os instantes em que tu mordias os meus lábios. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour Lucie. Bonjour Mathis et bonjour tout le monde. Et bonjour tout le monde. En ce 1er mai, nous retrouvons pour notre émission avec vous de 16h jusqu'à 18h. Et aujourd'hui, nous sommes le 1er mai, comme je l'ai dit. Et qui est Lucie ? Le 1er mai, c'est la fête nationale du travail qui se fête depuis 1947, je crois. Je crois aussi. Bon, en tout cas, une bonne fête à tout le monde, à ceux qui ne travaillent pas pour ce jour férié, je crois. Oui. Et tu as eu ton petit brin de muguet, Lucie ? Non. Ah. Mais ma mère, elle l'a eu, donc c'est pas grave. Elle a eu de la chance, alors oui. Ça me... aujourd'hui. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre émission avec vous, de 16h à 18h, avec nos chroniques habituelles, qui sont le top 3 à 16h30, et ta chronique, Lucie, qui est à 17h30, qui est... Les séries. Les séries, et fini. Tu as préparé tes petites séries à nous préparer ? J'ai préparé les deux séries, donc vous verrez bien. On a spoilé un peu la semaine prochaine une des séries que tu présentes. Et ce top 3 que nous avons partagé les derniers jours sur Instagram et Facebook. Et pour ça, on va faire un petit jeu pour commencer notre émission. Si tu veux bien, Lucie. Bien sûr. On va commencer par un petit jeu. Alors, vu qu'on vous a affiché qui est la star que nous allons présenter aujourd'hui, dans ce top 3 et les prochaines aussi un peu quand même, on va vous laisser vous nous appeler pour savoir si vous avez trouvé et si vous nous suivez pour savoir qui est du coup cette star au numéro que tout le monde connaît, n'est-ce pas Lucie? Bien sûr. Qui est? Le 02 38 43 48 00. Donc on vous laisse vous appeler, on fait un petit jeu avec vous pour savoir si vous nous suivez sur nos réseaux et si les indices que j'ai donnés un peu la semaine dernière vous ont permis de trouver. Donc on vous laisse quelques minutes, c'est à 7h30, donc vous avez le temps de nous appeler pour savoir qui, nous on le sait, et certains qui nous suivent sur nos réseaux sociaux le savent, donc on vous laisse nous appeler au numéro que Lucie a dit. Et on continue en musique, on commence plutôt, je voulais dire, avec la prochaine musique qui est de Mayores de Becky G. T'es prête Lucie? Très prête. On continue, on écoute. Cuántas lágrimas lloré appels en nous proposant des artistes pour savoir si c'était eux que nous allons faire dans notre top 3 d'aujourd'hui. Et nous avons eu une bonne réponse et deux mauvaises réponses. Donc on vous laisse continuer, mais pour vous aider, donc écoutez bien les prochaines musiques qui vont arriver. Et voilà l'indice. Écoutez les prochaines musiques Donc voici l'indice que nous donnons avec Lucie. Écoutez bien les prochaines musiques pour trouver l'artiste, n'est-ce pas Lucie? Bien sûr. Donc on vous laisse écouter en musique. Et là on écoute, tu sais c'est qui? Pas du tout. Anna Mayao, Sinto, Sexy.

habitaciones. Ey, tú no nos conoces, así que no hables de nosotras. No eres más que uno que ha vivido en esa sombra. Lo que te falta a ti, pues, papi, a mí me sobra. No vas a ponernos a todas en contra. Una mujer tan dura como yo. Le moment de vous révéler à ceux qui ne le savent pas encore qui est l'artiste du top 3 de aujourd'hui. Et l'artiste qui est aujourd'hui, Lucie, tu la connais ? Pas du tout. Tu la connais pas du tout ? Non, du tout. Je sais que tu sais c'est qui parce que tu as regardé nos réseaux, mais que tu te rappelles plus exactement du prénom. Attends, je vérifie si tu veux. Vas-y, si tu veux, mais je peux te la dire aussi. Oui, vas-y, dis-le. Car les prochains artistes, comme on avait vu, seront les artistes qui viendront à la Saint-Jean, à la Saint-Populaire, donc qui se déroulera le 6 et 7 juillet. Et la première artiste que nous allons présenter est Daniela Henriquez. Donc une des musiques à elle a été diffusée, qui était Bencantar Abida, qui était une de ses musiques qui est sortie il n'y a pas très longtemps, il y a 3 semaines, lors du moment où elle a sorti son album Alma. Donc, grâce à ce top 3, nous allons pouvoir découvrir 3 de ses musiques. Et bien sûr, nous en découvrirons tout au long des mois qui vont découler jusqu'à la Saint-Jean. Qui est bientôt. Qui est bientôt, en soi, qui est dans quelques mois. Mmh. Où là, nous pourrons écouter ses titres en vrai. On pourra l'observer sur scène et qu'elle chante ses plus belles chansons. N'est-ce pas, Lucie ? Oui. Et nous avons très très hâte. Donc nous allons continuer en musique. Donc maintenant vous savez qui est l'artiste qui nous allons présenter dans ce top 3. Donc on se dit à 16h30, Lucie. Parfait. Et voilà. On continue en musique avec Soupo Tugesh de Joanne Dark. Sou portuguesa de alma e coração.

J'ai bossé tout l'été, je dois faire des lobes. J'lève tous les matins. Pour acheter bijoux à la Mamalova. Ice. Un gros homme a pris pour son Casanova. Pour un bijou, ouais. Elle me dit, bébé, s'il te plaît, fais-moi rêver. Oh, ouais. Yeah, yeah. Fallait pas déconner. De notre top 3, notre top 3 sur Daniela Henriquez, qui est l'artiste qui viendra chanter le 7 juillet au parc de la Lignerolles pour la Saint Populaire. Donc nous allons écouter 3 titres à elle, et son premier titre est sorti dans l'un des premiers il y a 2 mois, et nous allons commencer par Danza, Danza Conmigo. Et d'être l'été, n'est-ce pas Lucie? Ah bah là oui, moi j'ai bien envie d'être l'été, parce que là il fait que pleuvoir, c'est chaud. Que pleuvoir l'été. On continue avec O Amor Nao Sigo, qui fait partie de son album, des titres de son album Danza Conmigo aussi, mais qui est sorti il y a 3 semaines, donc on écoute. Yeah. titre de ce top 3 sur l'artiste Daniel Henriquez, nous allons écouter une musique, Danse avec moi, une chanson où elle parle un peu française, où elle chante un peu en français, Lucie. Donc nous allons écouter. Moi je suis prête. Fora de mim, não dá para disfarçar este meu olhar, que só te quer a ti, só quero a ti. Mas eu não falo francês, vais ter que me ensinar, por enquanto vou dizer o que te quero falar. Não sabe qual, não sabe qual, esta noite a distância nos vai separar. Não sabe qual, não sabe qual, esta noite nós faremos o tempo parar. Não sabe qual, não sabe qual, não sabe qual, não sabe qual. Fin de ce top 3 sur l'artiste Daniela Henriquez qu'on a hâte d'écouter le 7 juillet à la Saint-Jean. Honnêtement, j'ai bien hâte. J'ai très hâte. J'adore toutes les musiques et encore, il y a de nombreuses musiques qu'on n'a pas écoutées mais qui sont très très très bien dans son album. Mais on va l'écouter tout au long des mois qui vont suivre et peut-être un peu encore lors de cette émission. N'est-ce pas, Lucie ? Ça nous fait un peu de surprise. Tu voudrais écouter encore des musiques de Daniela ? Moi, je veux bien. Ok. Eh bien, restez bien connectés. On vous fera écouter d'autres musiques de Daniela, hors ce top 3. Mais on a voulu faire ce top 3 pour les artistes qui seront là à la Saint-Jean. Donc, la semaine prochaine, nous avons un nouveau top 3 sur un artiste ou sur des artistes. Parce qu'il y a des groupes qui viennent à la Saint-Jean cette année, deux groupes. Et donc nous allons vous donner des petits indices vers 17h, 18h20, 18h vers ces heures-là, pour que vous essayiez de deviner qui sera les prochains artistes que nous allons présenter la semaine prochaine, donc qui sera le 8 mai, Lucie. Parfait. Donc on remercie Daniela pour ces belles musiques que nous pourrons écouter le 7 juillet et qu'on a écoutées aujourd'hui. Donc on lui fait des bisous aussi à elle, qui bisous, peut-être Daniela. Nous écoute aujourd'hui. Et on lui fait des bisous et on a hâte de la retrouver le 7 juillet. Donc on continue avec Fresh Tabo de Gustavo Lima. Que sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança uma rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra. Que do meu lado você beija sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança uma rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra. Do meu lado você beija sem noção. Que do meu lado você bebe tequila pura com limão. Que do meu lado dança com a rocha sem parar. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra. E quando vai embora leva duas pra pra pra pra pra pra pra. Ei, eu só bato a mão pra cima e faz barulho. Que de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré, no sé pa' qué si me lo sé de memoria. Me hiciste daño y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando Musique, nous avons eu une dédicace de Maria. Elle nous fait une dédicace pour nous, toi et moi, Lucie. Elle nous remercie de ce top 3 qu'on vient d'effectuer. Et au passage, elle fait un bisou à l'artiste Daniel Henriquez qu'elle a hâte de découvrir à la Saint-Jean. Donc elle nous remercie d'avoir découvert quelques musiques qu'elle n'avait pas encore écoutées. Mais du coup, elle a fait le message comme quoi elle adore ses musiques et qu'elle a hâte de la découvrir. Donc elle a des fans, Daniela. Nous, on en fait partie avec Lucie aussi. On est ses petites fans, hein, Lucie? Bah oui, quand même. Donc, nous aussi, nous avons hâte et les auditeurs aussi. Donc, pour ça, elle a voulu écouter une musique de Daniela qui est Como Yo, Tu Es Amo. Donc, on écoute. Go. Avec une autre dédicace de la part de Sandra. Sandra qui nous souhaite à tous un 1er mai, un bon 1er mai, une bonne fête du travail, comme elle nous l'a dit. Elle nous fait des bisous à tous les auditeurs, à nous, à toi, à Mojici, à sa famille, à sa fille Zoé. Et elle nous fait tous des gros bisous. Donc on lui fait aussi des gros bisous. Et pour ça, on nous écoutons Nuno Ribeiro, Rosa. Hoje

advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, I just wanna feel this moment. In Tokyo, long way from them hallways. It was O's and O's, they counted always. Real fat all day. Now, baby, we can party. Oh, baby, we can party. She read books, especially about red rooms and tie-ups. I got her hooked, cause she see me in a suit with a red tie tied up. They think it's nice to meet you, but time is money. Only difference is I own it. Now, let's stop time and enjoy this moment. Why? I mean billions, I'm a genius, I mean brilliance. The streets is what schooled them and made them slicker than slick with the ruler. I've lost a lot and learned a lot, but I'm still undefeated like Shula. I'm far from cheap, I break down companies with all my peeps. Baby, we can travel the world and I can give you and all you can see. Time is money, only difference is I own it. Like a stopwatch, let's stop time and enjoy this moment, darling. One day, pegar, posso não estar mais aqui quando acordar. Já avisei, não sou flor que se cheira, mas essa velha é teimosa. Me cheira, ainda me beija com essa boca gostosa. Aí o motivo do meu apalo emocional. Fico ou fico, ou ela se eu. Avec Lucie, on a eu un petit fou rire sur la musique d'avant. Parce que moi, c'était la musique d'avant, Feel in the Moment, si je ne me trompe pas, Lucie. Oui. Elle m'a évoqué le film Emoji, où ils font une danse et j'ai voulu la faire à Lucie, mais c'est un peu... Je me suis un peu moqué de toi, en gros. Voilà, voilà. Mais bon, c'était juste pour tirer une anecdote parce qu'on dansait sur cette musique. Bah, je dansais et Lucie rigolait. Et voilà. Moi, je me moquais de lui, c'était drôle. C'était drôle. Alors, du coup, bah, on continue en musique comme la semaine dernière. est-ce que c'est l'émission de la semaine dernière t'a plu aussi? Oui, d'ailleurs je voulais t'en parler parce que j'ai écouté du coup l'émission de la semaine dernière et je voulais dire que j'ai bien aimé ta playlist été. Et ben merci parce que Lucie m'a un peu aidé sur quelques musiques quand même. Elle m'a envoyé quelques sons. Et si ça te va Lucie, moi je dis on en refait une autre émission playlist été. Bon, moi avec plaisir. Et avec vos musiques aussi. Donc on fera un petit sondage sur nos réseaux sociaux. Oui. Qui sont, tu connais? Tu connais pas encore? On va dire que je connais. Nos réseaux sociaux qui sont avec-vous-radio. Vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook. Et nous vous enverrons des petites questions où vous pourrez dire vos titres du moment. En parlant du titre du moment, Lucie, peux-moi un titre du moment que tu écoutes? Tu me le Attends, prépares. Je réfléchis. Tu as le temps de réfléchir, ne t'inquiète pas. Ok. Donc je te laisse réfléchir et on écoutera le titre du moment de Lucie. Mais n'oubliez pas la chronique de Lucie qui est très bientôt, Lucie. Dans 15 minutes, tout pile. Ah, elle a l'heure, Lucie. Dans, à 17h30, là, je suis prête. Elle est prête, Lucie, pour sa chronique qui sera sur deux séries, n'est-ce pas? Oui, c'est tout à fait deux séries. Deux séries qu'on vous présentera et qu'on a hâte. Oui. Enfin, moi j'ai hâte en tout cas de vous les présenter. On continue en musique avec S. Mentiroso. Nous avons une dédicace de Sandra. Une dédicace pour le soleil. N'est-ce pas, Lucie? Une dédicace pour le soleil. Bah moi, j'attends que ça, hein, le soleil. Je pense que tout le monde attend le soleil. Et pour cela, elle veut mettre Petit Génie. Une musique qu'on espère tous, qui va donner au soleil l'envie d'arriver, l'envie d'être en vrai printemps pour ce 1er mai. Va falloir le persuader là, pour qu'il vienne. Et je crois qu'il ne va pas venir. Il est parti en vacances. On écoute Petit Génie. Me parle pas de sentiments. C'est pas avec un C'est dommage pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé. Même devant le miroir, y'a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher, mais y'a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce. Tout le temps, elle parle d'amour, elle fait tout pour nous. C'est qu'on est bon comme ça, hein. C'est qu'on est bon comme ça, hein. C'est qu'on est bon comme ça, ouais. C'est qu'on est bon comme ça, ouais. Oh. J'arrive et tout s'éteint, tout est plein, tout est plein. Fais en un, je suis pas au malais. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler, je suis légendaire qu'on pépé calé. C'est pas comme ça. C'est pas avec amour qu'on achète des témoins. C'est dommage que mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. Musique est une dédicace qui va être faite en direct car aujourd'hui nous avons une invitée un peu spéciale, nous avons Zoé qui est venue avec nous pour regarder ce qu'on faisait et qu'est-ce que c'était la radio et elle a voulu passer une petite dédicace donc Zoé on te laisse l'honneur, déjà bonjour Zoé. Bonjour. Et on te laisse l'honneur de faire ta dédicace. Alors je fais une dédicace pour mon frère et ma sœur Alexane et Mathis. Je les aime très fort et c'est pour ça que j'ai choisi la musique Señorita. Comme on était en enfance, on faisait plein de danses et du coup c'est pour ça. Une musique qui évoque des souvenirs. On a tous des musiques comme ça. Donc pour cela, bah, on te remercie. On fait des bisous Zoé. Bisous. Et merci. Et on va écouter Señorita de Amine. favorita. Zoé, pour cette musique, on te remercie, on te fait des bisous. Merci. On continue encore avec, on continue en dédicace, avec une dédicace de Maria, qui fait une dédicace à tous ses petits-enfants, Mathis, Alexandre, Timio, Maël, Lorenzo, Zoé et Nolan. Et elle leur fait de très très gros bisous et elle leur dit qu'elle les aime. Et pour cela, nous allons écouter une musique de Joy Medeiros, Festa Portugues. C'est l'heure de la chronique de Lucie. Donc Lucie, on va te laisser l'honneur de parler et de commencer ta chronique. Parfait. Alors, on va tout d'abord commencer avec la série Mon Petit Reine. Donc c'est une série de drames et de juste de drames qui est sortie en avril 2024, donc elle est très récente. Il y a une saison et 7 épisodes, donc c'est vraiment très petit. Donc une petite série. Oui, petite. À bien regarder. Ça passe bien si vous n'avez pas envie d'une série trop longue. Donc je vais vous faire un petit résumé. Donc c'est l'histoire, c'est une mini-série britannique tout d'abord. Elle est basée sur l'expérience réelle de Gad, qui a été troqué et agressé sexuellement dans la vingtaine. Donc, Donnie, le personnage principal, est un barman d'une trentaine d'années qui veut devenir humoriste. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Tous des projets. Bah oui. Il est victime, de harcèlement lorsqu'il rencontre Martha et qu'elle commence à lui envoyer des centaines de messages et de courriels chaque jour après s'être convaincue d'être en couple avec lui. Ce harcèlement réveille en lui le souvenir d'un traumatisme subi plusieurs années auparavant. Un peu d'un délire spécial quand même, la série. Alors franchement, je l'ai regardé. Hyper bizarre la série. Vraiment très bizarre. Hyper bizarre. Mais ça peut plaire à des gens. Hein. Qui n'est pas ton cas, je pense. Disons que ça m'a occupé, mais c'était pas... Sur 5, tu mets combien ? Sur 5, je mettrais 3, 2,5. C'est pas mon genre de série, mais elle est quand même numéro 1, quoi. Donc c'est qu'elle plaît à un certain nombre de personnes. Elle plaît à des gens. Et vous, si vous l'avez regardé, bah dites-nous. Dites-nous votre avis. Si votre avis est comme Lucie. Moi, je ne l'ai pas regardé. Bah franchement, je te la conseille. Parce qu'elle est bien, mais c'est pas mon genre. Elle a été bien faite, en tout cas. Pas de soucis. Et bah on note. Donc voilà. La série qui est Mon Petit Reine. Exact. Et ensuite, une deuxième série ? Une deuxième pour aujourd'hui. C'est série encore, on reste un peu sur les séries ces temps-ci. Bah, la dernière fois, c'était deux films, je crois. Je sais plus. Non, c'était. Je crois que c'était aussi deux séries. Ah, bon, bah, des séries. J'aime bien les séries. La prochaine fois, on fera peut-être des films. Et la prochaine série, je crois que c'est celle que j'ai un peu parlé la semaine dernière. Oui, c'est celle que je voulais nous présenter aujourd'hui, donc je vous la présente. Donc, c'est La Reina del Flow. Je sais pas si je l'ai bien dit, si, mais ça ira. Donc c'est une série colombienne de drames sortie en 2018. Il y a deux saisons et les saisons, j'ai regardé, sont très longues. Hein. C'est très très long, je crois que c'est 82 c'est immense. Et 86 épisodes. Oui, la première c'est 82 et la deuxième c'est 89 épisodes. C'est beaucoup, mais... C'est beaucoup, mais c'est intéressant. Pourquoi pas ? J'avoue, j'ai regardé, c'est très intéressant. C'est du drame. Donc je vais vous faire encore un petit résumé dessus. C'est l'histoire d'une jeune femme passionnée de musique qui rêve de devenir la meilleure chanteuse du milieu artistique. Elle est ensuite impliquée dans une tromperie perpétrée. Elle passe 17 ans derrière les barreaux à tort et décide ensuite de se venger et ceux qui ont mis fin à sa vie et celle de ses proches. Car oui, j'ai un peu regardé. Je vais vous spoil. La femme s'appelle Yemi Montoya. Oui, j'ai pas mis son nom, mais tu nous fais un petit résumé. Elle s'appelle Yemi Montoya, du coup, et elle a des petits problèmes avec son ex, Charlie Flo, du coup. Et des petits drames se passent entre eux, avec leur ami Juan Cho. Et plein d'histoires, plein de drames, très intéressants. Quand tu finis l'épisode, en fait, t'as forcément un truc qui te dit... Ouais, il y a trop de rebondissements, t'es obligé. T'es obligé, donc t'es obligé de continuer. Alors 86 épisodes, tu vois ça, tu t'es dit c'est foutu. Oula. Mais deux épisodes, 86, j'ai toujours pas fini. J'ai toujours pas fini, j'attends. On a envie de savoir la fin et c'est une très bonne série avec beaucoup d'intrigues en tout cas, que je conseille. Oui, d'ailleurs, j'avais regardé qu'ils voulaient pas faire de saison 3. Ouais, mais ils sont encore en hésitation apparemment. Oh, bon, ça fait quand même des années qu'ils sont... Bon, ça fait 2018, mais... Ils sont encore en hésitation, mais bon. Et pour finir sur ta chronique, la musique qui passe actuellement. Oui. Et la musique de la série. Donc on va vous laisser écouter et on reviendra après. On reste dans le thème. Bon, vaut mieux, bien sûr. Donc on écoute Refléro de La Reina del Flow. Que me muero por tenerte junto aquí a mi lado. Quiero que me escuche, yo te estoy llamando. Deja que te cuente todo lo que siento por ti. Yo te voy a decir toda la verdad. Yo te daría mil besos sin vacilar. Pasar la noche entera y yo muriendo porque me quieras. De ti yo quiero saber. pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo 2000 razones para hablarte, amores. Son las canciones que desvelan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Quiero un pedacito de tu cuerpo en mis sueños, un poquitico de tu piel en mis besos. Quiero bailar contigo siempre para no despertar. Tengo 2000 razones para hablarte de amores. Son las canciones que desvelan mis noches. Quiero cantar contigo para nunca olvidarte. Pues mi amor, una miradita, te lo dice Charlie, baby. Et voici Refléro, qui était le titre de la série, du coup, une des musiques qu'il y a dedans. Mais franchement, elle est pas mal. Pas mal, à écouter, hein. Oui. C'est le style de la série, c'est reggaeton. Bon, bah, je t'ai aidé un peu pour cette série-là. Merci. Et bah, de rien. En tout cas, on te remercie, Lucie. Bah de rien, avec plaisir. Pour cette chronique sur les séries et films. Donc, la semaine prochaine, même heure, et tu nous présenteras des films. Je vais essayer de trouver des films, parce que là, on reste beaucoup sur les séries, mais je vais chercher. C'est le moment, parce qu'il pleut, donc on oui. reste à regarder des films et des séries en ce moment. Bon, moi, je suis un peu que ça, mais oui. Et bah, merci, Lucie, pour ces deux séries à noter qui sont... Mon Petit Reine et... Vas-y, celle que tu préfères. La Reina del Flow. Pas que je préfère, mais que je connais. Que tu connais. Et bah, pas de souci. Et bah, merci Lucie, et on va finir en musique notre émission. Parfait. Et on continue avec Shakira. Estoy a no dar más. Estoy a no dar más. Estoy a no dar más. Pusiste el final entre paréntesis. Boca me niega lo que dice tu mirada. Tus manos no calientan cuando me tocas la piel. Esa manera de besar no sabe a nada. Que te abraza soy yo, pero estás pensando en él. Y tú, ya lo diste por perdido. Solo sé sincero, te lo pido. Prefiero la verdad a vivir con tus labios compartidos. Está doliendo y tú no sabes cuánto. Por culpa tuya se congeló el cuarto. Cada palabra me hiere, no creo que me recupere. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Antes venía sin llamarte, ahora sin avisar te vas. Se nota cuando se quiere, pero cuando no se nota más. Ya no hace falta que aparentes y pusiste el final. Estoy a no dar más. Estoy a no dar más. Estoy a no dar más. Pusiste el final entre paréntesis. Eso es. Grupo Rondera. Con la loba. Complètement sonné, elle voudrait qu'on le fasse, mais je suis sonné. Ah,

prochaine musique, c'est une dédicace pour Nathan, qui adore cet artiste. Donc on lui fait de très gros bisous. Moi et Lucie, on lui fait de gros bisous. Gros bisous, Nathan. Et on écoute Tête Macram. Happening in my mind. Enfants et ses enfants, et plus particulièrement pour Maëlle et Nolan qui adorent ce titre, donc il nous fait tous des gros bisous. On lui fait des bisous aussi. Moi et Lucie, on lui fait des gros bisous. Gros bisous. Et on écoute pour ça Oh My Love. De la part de Babette pour son père qui veut jouer la chanson Je voudrais parler à mon père de Céline Dion. Je voudrais

ça me fait souffrir. Quand je pense à toi, ça me fait sourire. Ça me console quand je te sens zéno. J'en ai envie, mon jaune tous. Mais que je t'aime, maman, et zéna. Je n'irai jamais mes origines. Une si belle langue, un si beau pays. Obrigado, maï, obrigado, paï. Pour où je suis même prêt à souffrir. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Mais je préfère quand je nous vois sourire. Ah, mais il n'y a jamais à tout. Jusqu'à notre dernier soupir. Merci pour ce que tu nous as appris. L'éducation, le mode de vie. Et la fierté, notre héritage. Sempre contigo, oh nossa mãezinha, fomos em dire au revoir. Il est 18h pile. Bon, on est un peu en retard pour dire au revoir, mais on vous dit au revoir. D'une minute, ça va, c'est pas très grave. Donc on va se dire à la semaine prochaine avec Lucie. À la semaine prochaine. Avec nos chroniques. Aujourd'hui qui était la chronique sur les séries de Lucie aussi, à 19h30. Avec les séries qu'elle nous a présentées qui étaient... La Reina del Flow, celle que t'as regardée, et Mon Petit Reine. Donc à noter et à regarder, pour ceux qui n'ont pas regardé. Et la semaine prochaine, j'espère, je trouverai des films. Des films. Ou un film, une soirée, comme ça t'es équitable. Oui. Si tu veux. Et avec un autre top 3 qui sera sur les prochains artistes, comme nous l'avons dit, dans nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook, avec Tirez-vous Radio, qui aujourd'hui était sur Daniel Henriquez, qu'on remercie encore pour ses musiques et sa présence le 7 juillet, qu'on a hâte de voir et d'écouter. Et pour l'artiste de la semaine prochaine, Lucie a une petite annonce à faire. J'ai un petit indice, enfin on a un petit indice, c'est leur musique, ou sa musique à l'artiste, elle est passée à un moment. Dans notre émission donc de 16h à 18h. Donc à vous de deviner, voilà le premier indice qu'on vous donne. Et pour plus d'indices, on vous demande de nous suivre du coup sur nos réseaux sociaux. Oui. Et avoir la réponse en avance, donc vous l'aurez mardi prochain. Ou lundi, ça dépendra de notre humeur. Si vous nous suivez, donc c'est pour ça que vous devez nous suivre. Vous devez nous suivre, c'est une obligation. Donc on va se dire à bientôt et à mercredi prochain. Lucie. À mercredi prochain, tout le monde. Hein. À tout le monde et à ceux qui nous écoutent. On fait des gros bisous. Gros bisous. Trabalho não chegar para pagar uma casa, nada feito, não é? Exatamente, está tudo interligado. Por isso é que nós, lá está, mais uma vez, lutamos pela unidade, estamos ao mesmo tempo em várias causas, porque uma coisa não se faz sem a outra. Muito obrigada, Madalena. Um dos jovens que aqui cantaram como gente grande, a Grândola Vila Morena, cantaram outros símbolos desse 1º de maio de há 50 anos. Juntaram-se aqui também aos mais velhos, transportaram bandeiras, gritam por habitação. É uma das questões mais prementes para os jovens na atualidade, mas também por empregos mais justos, por menos horas de trabalho, mais tempo para a família. E agora que já a moldura humana começa a compor-se aqui na Alameda, vamos então esperar pelos discursos oficiais da CGTP que marcam este 1º de maio e marcam também o arranque deste secretário-geral, Tiago Oliveira. A repórter Ana Isabel Costa a acompanhar as celebrações do 1º de maio em Lisboa, onde o desfile se faz entre o Martim Moniz e a Alameda, e a que se juntaram vários líderes partidários. Paulo Raimundo, secretário-geral do PCP, diz que o país avançou, mas que ainda há muito por fazer, e deixou a garantia de que o governo de direita não está de mãos livres. Não foi um clique. Isto é o conjunto das reivindicações todos os dias nas empresas locais de trabalho, estão aqui hoje, e estão aqui hoje a demonstrar a sua força e a sua determinação para continuar. E o Governo, nós temos dito isso, o Governo, a política direita...